contre-temps. Je ne sais plus d'où vient le vent. Je ne sais si quelqu'un m'attend. T'es le reflet d'un grand espoir. À l'étroit dans mon miroir. Je n'ai plus famille ni amis. Je ne sais même plus qui je suis. En un éclair, en un instant. Rien plus rien jamais comme avant. Les souvenirs tout mon passé. Tout s'était volatilisé. Mais ton souvenir à jamais. Ancré dans ma mémoire. Un visage parmi tant d'images. Comme un instantané en cage. Hante mon esprit. Et toutes les nuits de ma vie. Depuis ce terrible accident, je reste cloué là suppliant. Parfums et regards me reviennent, mais aucune image qui ne tienne. À naviguer en plein brouillard, chercher chaque jour, chaque soir. Espérer enfin entrevoir un soupçon de mon histoire. Mais ton souvenir à jamais ancré dans ma mémoire. Un visage parmi tant d'images. Comme un instantané en cage. Hante mon esprit. Et toutes les nuits de ma vie. Hante mon esprit.